À l'occasion de la Journée internationale des femmes 8 mars, le Comité national nigérien d'études du kimsonisme kimsonglisme a inséré dans son embâche d'Internet un écrit titré « Fierté des femmes coréennes ». Il a présenté en détail les femmes coréennes qui sont honorées comme patriotes, héroïnes et femmes pionnières de l'époque en exerçant les mêmes droits que les hommes et en manifestant sans réserve leur passion, intelligence créative et talent dans tous les fronts importants pour la défense du socialisme et l'édification d'une puissance économique.